إلا إذا تعلمه. فلهذا يقول الله عز وجل: تلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. Le guide des croyants, Mohammed ibn Ismail al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, a dit dans son livre Sahih al-Bukhari, dans son livre qui s'intitule Al-Sahih, chapitre, la parole de celui qui narre, qui rapporte un hadith, il nous a narré, ou bien il nous a informé, ou bien il nous a communiqué. Al-Bukhari a évoqué, a rapporté un hadith dont il a cité une chaîne de transmission remontant jusqu'au compagnon Abdullah ibn Omar radiallahu anhuma. Abdullah ibn Omar radiallahu anhuma a dit: le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: il y a parmi les arbres un arbre dont ses feuilles ne tombent pas, et cet arbre est semblable aux musulmans. Narrez-moi quel est cet arbre. Les gens de l'assemblée, c'est-à-dire les compagnons, ont pensé qu'il était un des arbres de la campagne. Et Abdullah ibn Omar, radiallahu anhuma, a dit: j'ai su en moi-même que cet arbre est le palmier, mais j'ai eu honte. Et j'ai eu honte, c'est-à-dire de donner la réponse. Puis ils ont dit: ô messager d'Allah, narre-nous quel est cet arbre. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: il est le palmier. Et donc dans ce hadith, il y a une parabole. Ce hadith fait partie des paraboles afin que les gens puissent méditer, afin que les gens puissent réfléchir, et afin que les gens tournent leur attention, leur conception, leur compréhension, et qu'ils puissent ensuite par cela déduire, extraire, concevoir et comprendre les choses selon leur réalité en ayant évoqué ces paraboles. Et sachez que la parabole, personne ne peut la comprendre. Personne ne peut comprendre ce qui est désiré par cette parabole. Personne ne peut comprendre son sens qu'en l'apprenant, c'est-à-dire en revenant aux gens de science, aux savants. Et c'est pour cela que Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans Surat Al-Ankabut: telles sont les paraboles que nous citons aux gens, et seuls les savants peuvent les comprendre. Donc ces paraboles que Allah subhanahu wa ta'ala, comme on a vu la semaine dernière, qu'a évoqué dans son noble Coran, et également le messager sallallahu alayhi wa sallam, à travers de différents hadiths, que le messager sallallahu alayhi wa sallam a évoqué des paraboles, pour les comprendre, pour saisir leur sens, il faut revenir à l'explication des gens de science, c'est-à-dire les savants. فمن هنا ينبغي لطلاب العلم على سبيل الخصوص تدبر الأمثال ليطلعوا على معانيها فكم فيها من عون للدعاة إلى الله عز وجل في مواعظهم وفي توجيهاتهم لعموم الناس. Et donc, à partir de là, il convient spécifiquement, spécialement, à ceux qui recherchent la science, qu'ils comprennent et qu'ils s'instruisent sur les significations de ces paraboles et qu'ils méditent le sens de ces paraboles et combien on trouve dans ces paraboles une aide pour ceux qui vont prêcher, qui vont appeler à Allah Azza wa Jal pour leur conversion, pour les directives lorsqu'ils vont s'adresser aux gens. فالنبي صلى الله عليه وسلم ضرب المثل للأمور المهمة فنذكر مثالا واحدا كما في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وهو في الصحيحين أي في صحيح البخاري ومسلم لما أوحى الله إليه مواقف الأمة حيله. Et donc le prophète صلى الله عليه وسلم il citait des paraboles, il évoquait des paraboles mais pour des faits importants. Et on va citer, on va évoquer un exemple. On va mentionner un hadith où l'on va voir où le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a cité une parabole. Le rapporteur du hadith, le compagnon qui a cité le hadith, est Abu Musa al-Ash'ari, radiallahu anhu. Le hadith se trouve dans Sahih al-Bukhari wa Muslim. Et le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a cité en parabole, dans ce hadith qu'on va évoquer, lorsque Allah, subhanahu wa ta'ala, lui a inspiré, lui a révélé la législation. Et concernant cette révélation, s'est trouvé sa communauté en face de ce que Allah Azza wa Jal lui a révélé, trois attitudes. Donc on va citer le hadith, incha'Allah, et voir l'explication des ulama par rapport à ce hadith. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, inna mathala ma ba'athani Allah min al-huda wal-ilm كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلاء والعشب الكثير وكان منها جاذب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا ورعوا وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء وعقب ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله كذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم ومثل لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. Donc le hadith le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, la voie et la science par laquelle j'ai été envoyé sont semblables à une pluie qui s'est déversée sur la terre. De cette terre, il y a une partie bonne, c'est-à-dire une partie fertile, et dont l'eau qui s'est déversée, la terre l'a absorbée, et dont a poussé de l'herbe et de la pâture en grande quantité. Et il y a une autre partie. Lorsque la pluie s'est déversée sur la terre, cette partie est une partie aride. Cette partie, cette terre a absorbé également l'eau. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, a fait profiter les gens de cette eau. Ils en ont bu et ils l'ont utilisé, cette eau, pour l'irrigation et pour la culture. Et il y a une autre terre que lorsque la pluie s'est déversée sur cette terre est simplement stérile. Ni cette terre a absorbé l'eau et ni a poussé de cette terre de l'herbe. Ensuite, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a poursuivi ses dires en disant, à celui qui a compris la religion d'Allah, dont Allah lui en a fait profiter, il lui a fait profiter ce avec quoi il m'a envoyé, c'est-à-dire la science et la guidée. Il l'a appris et il l'a enseigné. Il l'a appris et il l'a enseigné. Et l'autre groupe est semblable à celui qui m'a tiré profit. Est semblable à celui qui n'a pas tiré profit de ce que Allah subhanahu wa ta'ala m'a envoyé comme bonne guidée. إذن من هذا الحديث نرى أن العلم يحيي القلوب كما المطر يحيي الأرض وأن حياة الأمة لا تكون إلا بالعلم الشرعي ففي هذا المثل أو في هذا الحديث دلالة أن حاجة العلم كحاجتهم إلى المطر بل أعظم لأنهم إذا فقدوا العلم فهم بمنزلة المطر فهم بمنزلة الأرض التي فقدت الغيث فلهذا يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى وهو إمام أهل السنة والجماعة أنه قال الناس يحتاجون إلى العلم أكثر من المأكل والمشرب لأن الطعام يحتاج إليه كل يوم مرة أو مرتين والعلم يحتاج إليه بعدد الأنفاس. Et donc, de ce hadith que nous avons mentionné, ou de cette parabole que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a évoqué, on comprend, comme l'ont expliqué les gens de science, les ulamas, c'est que le cœur, que la science revivifie le cœur, comme la pluie, elle revivifie la terre. Et que la vie de la communauté n'est que par la science religieuse. Et donc on comprend de ce hadith qu'il y a une preuve pour dire que le besoin des serviteurs de la science est comme le besoin et comme leur besoin de la pluie. Et comme leur besoin de la pluie. Mais on peut dire encore plus important que la science est plus importante que la pluie. Car si les gens égarent la science, ils seront semblables à une terre qui a égaré la pluie, c'est-à-dire une terre dont nulle pluie ne se déverse sur elle. Et c'est pour cela que l'imam Ahmed, rahimahullah ta'ala, qui est le imam, le chef, le guide des gens de Ahl Sunnah wal Jama'a, beaucoup de ulama se réfèrent à ce très très grand savant, rahimahullah ta'ala. Et ce grand savant, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit, les gens ont besoin de la science plus que leur besoin de nourriture et de boisson. Car concernant la boisson et la nourriture, on en a besoin par jour une fois ou deux fois. Une fois ou deux fois. Mais la science, on en a besoin comme le nombre de souffles, le sens, c'est-à-dire l'homme, lorsqu'il vit, donc pour sa respiration, sans cesse, il respire. Et donc la science, l'homme en a besoin sans cesse, constamment, du matin au soir, pour ses obligations religieuses, que ce soit la prière, que ce soit le jeûne, s'il jeûne, que ce soit la vente, le commerce, s'il fait du commerce, même comment il doit se comporter avec son épouse, avec ses enfants. Donc constamment, il en a besoin. Et il doit connaître tout cela. Tout cela, il doit le connaître. وفي هذا الحديث أن أخذ العلم شرعي أن الناس في الأخذ العلم شرعي مراتب. Et donc de ce hadith, il y a concernant l'acquisition de la science religieuse, concernant les gens, il y a trois attitudes, trois positions. فالذي علم وعلم هذا هو على جانب عظيم من الخير وهي الطائفة الأولى فعندما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن مثل ما بعثني الله من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلاء والعشب الكثير. Et donc, on voit qu'il y a trois positions, trois attitudes, ou trois groupes concernant l'acquisition de la science. celui qui a appris et qui a enseigné, celui-ci se trouve du bon côté, il se trouve dans le bien. Et celui qui agit ainsi, qui apprend et qui enseigne, c'est le premier groupe. Et ce premier groupe, c'est les gens de science, les savants, ceux qui ont appris la science, qui ont déduit des paroles d'Allah Azza wa Jal, des règles, des sentences, et également de la parole du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et ensuite, qui l'enseigne aux gens. Ceci est le premier groupe. Et c'est pour cela que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: la science est la guidée avec laquelle Allah m'a envoyé, est semblable à une pluie qui s'est déversée sur la terre. De cette terre, il y a une partie qui est fertile, dont cette terre a absorbé l'eau, et dont a poussé de cette terre de l'herbe et de la pâture en grande quantité. Donc ici, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a fait allusion à ce premier groupe, aux ulama, ceux qui apprennent et qui enseignent. وَالطَّائِفَةُ الَّتِي تَلِيهَا هِيَ الطَّائِفَةُ الثَّانِيَا. Et le deuxième groupe, qui vient à la suite du premier, et donc qui est le deuxième groupe, فَهِيَ الْمَقْصُودَ بِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ sallallahu alayhi wa sallam wa kana minha ajadibu amsakati al-ma fa nafa'a Allah biha an-nas fa sharibu minha wa saqaw wa ra'aw. Et donc le deuxième groupe ici, d'après la parole du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, ce deuxième groupe, ici, est ceux qui apprennent, et même qui peuvent enseigner, mais qui ne sont pas aptes à déduire, à extraire les diverses sentences, règles de la parole d'Allah, azza wa jalla. Ceux-là, ils sont également dans le bien, comme l'ont expliqué les gens de science. Mais ils n'ont pas le même degré que le premier groupe. Et d'après la parole du messager sallallahu alayhi wa sallam, il y a une terre dont une partie est aride, que lorsque se déverse la pluie, cette terre absorbe l'eau. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il fait profiter aux gens cette eau. Ils en boivent et même ils utilisent cette eau pour leur culture et leur irrigation. Donc ici, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a fait allusion au deuxième groupe. Des gens qui apprennent et même qui enseignent, mais sauf qu'ils ne sont pas aptes à déduire, à extraire les règles de la parole d'Allah Azza wa Jal et des ahadith du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Wa amma ta'ifatu thalitha fa hiya al-maqsoodatu bi qawli rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء. Et quant au troisième et dernier groupe, ce groupe est celui qui est visé par la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque le messager sallallahu alayhi wa sallam a dit: et la pluie se déverse dans une terre dont cette terre est stérile, c'est-à-dire que rien ne profite à cette terre, ni elle absorbe l'eau et ni pousse d'elle de l'herbe ou de la pâture. فَيَنْتَبِقُ عَلَيْهَا قَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ مَثَلُ مَنْ لَمْ يَرْفَعْ بِذَلِكَ رَأْسًا وَلَمْ يَقْبَلْ هُدَى اللَّهِ الَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ. Et donc s'applique à ce troisième groupe la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit, en parlant de ce troisième groupe, il est semblable à ceux qui n'ont point tiré profit et qui n'ont pas accepté ce avec quoi j'ai été envoyé. C'est-à-dire cette terre, rien n'a profité. Ni l'eau qui s'est déversée sur cette terre l'a absorbée, et ni a poussé de cette terre des plantes. فَيَنْتَبِقُ عَلَيْهَا مَنْ يُعَرِدُ عَنْ كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ وَسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ sallallahu alayhi wa sallam. Et comme l'ont mentionné les gens de science, cette troisième catégorie, ou ce troisième groupe, s'applique à tous ceux qui ont renoncé au livre d'Allah azza wa jalla et qui ont renoncé à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. فالناس في الإعراض متفاوتون حتى من جملة المسلمين من يعرض عن التفقه في دين الله عز وجل فتراه يصلي وتراه يصوم ولكن بدون علم فيكون كثير الخطأ في صلاته ويكون كثير الخطأ في صومه وفي بيعه وشرائه والسبب ذلك أنه ما تتلمذ على المعلمين الذين يبينون للناس ما أنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم فيكون محروما من أشياء كثيرة جدا وإن كان من جملة المسلمين الجاهلين الذين أمروا أن يبادروا بالسؤال للعلماء يقول الله سبحانه وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Et donc, concernant le rejet ou le renoncement, les gens de différentes catégories, et même on trouve que parmi les musulmans, il y en a qui renoncent à apprendre la religion d'Allah Azza wa Jal. On voit certains musulmans qui prient. On en voit d'autres qui jeûnent. Mais tout cela sans aucune science. Et c'est pour cela qu'on voit que celui qui prie et en point de science. On le voit qu'il commet de nombreuses erreurs dans sa prière. Et également celui qui jeûne, qu'il n'a point appris. On le voit que lorsqu'il jeûne, il commet de nombreuses erreurs. Et même celui qui commerce dans la vente et même dans l'achat, on le voit qu'il commet de nombreuses erreurs. Et tout cela est dû que cette personne n'a pas voulu apprendre, n'a pas voulu s'asseoir auprès de ceux qu'ils enseignent. Ceux qu'ils enseignent et qui mettent en évidence ceux avec quoi Allah Azza wa Jal a envoyé le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et donc on trouve que cette personne est privée de nombreuses choses. Et même, comme on vient de voir, même si cette personne fait partie des musulmans, et les musulmans, que lorsque le musulman est ignorant, il doit s'empresser, et on lui a même ordonné de s'empresser d'interroger les savants. C'est pour cela que Allah subhanahu wa ta'ala a dit et interroger les gens du rappel, c'est-à-dire les gens de science, si vous ne savez pas. Donc lorsque le musulman ne connaît pas tel et tel point, il revient aux savants, il les interroge. فلذا فالمسلمون في أمس الحاجة إلى التعلم وإلى تفقه في دين الله عز وجل وهذا دليل وعلامة على الصلاح والفلاح وأما الذي أعرض عن تفقه في دين الله علامة الخيبة والخسران. Et donc, les musulmans, ils ont un besoin urgent d'apprendre et de comprendre la religion d'Allah Azza wa Jal. Et que cela, que celui qui apprend et qui comprend la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce sera une preuve et un signe de sa bonté, de sa droiture et de sa réussite. Mais quant à celui qui se détourne, qui renonce d'apprendre, de comprendre la religion d'Allah, ceci est un signe de perte et d'échec. فقد جاء في صحيح البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. فالمنطق من هذا الحديث أن من أراد الله به خيرا لأنه أهل لذلك ومحل الخير أن الله سبحانه وتعالى هداهم ليتفقه في الدين. يسأل العلماء ويجالسهم ويبحث حتى يكون لنفسه مكتبة منزلية في البيت. Et donc c'est pour cela qui a été cité, mentionné dans un hadith. Le hadith est rapporté par Al-Bukhari dans son Sahih et de même Muslim dans son Sahih. que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, celui à qui Allah veut du bien, il lui fait comprendre la religion. Celui à qui Allah veut du bien, il lui fait comprendre la religion. Et donc, on comprend de ce hadith que celui à qui Allah a voulu du bien, c'est qu'il est digne de recevoir la science. Et qu'il, cette personne, se trouve dans le bien. Et c'est pour cela que Allah subhanahu wa ta'ala, il a guidé cette personne. Comme il a vu que cette personne a du bien, il l'a guidé pour qu'il comprenne, la religion d'Allah. Et cette personne, elle a interrogé les gens de science, les savants. Elle a fait les efforts. Les efforts qu'elle a fournis, elle a interrogé les savants. Elle est revenue vers les savants. Elle a côtoyé les savants. Elle s'est assise auprès des savants. Elle a fait des recherches. Elle s'est enquérie. Et même cette personne, elle a établi chez elle une bibliothèque. حتى كون في بيته مكتبة منزلية منوعة في مقدمتها القرآن الكريم. Et donc cette personne, elle a établi chez elle une bibliothèque composée de livres de religion. Et le principal, le livre principal, le Coran al-Karim, le nom du Coran. Wa aidan kitabun fi tafsir. Walakin kitabun fi tafsir bil athar. Wa hada huwa al-muhim. Laysa kitaban fi tafsir bil ray. Et donc en deuxième, elle a dans sa bibliothèque un livre qui commente la parole d'Allah Azza wa Jal. Mais ce tafsir, donc, qui commente la parole d'Allah Azza wa Jal, c'est un tafsir où on trouvera le commentaire des versets appuyé par des ahadiths, appuyé par des paroles des compagnons, par les paroles des tabi'in et par les paroles des tabi'at-tabi'in, les trois premières générations que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a fait éloge. Comme vous trouvez des tafsir qui sont justes et que les savants ont recommandé, le tafsir d'Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, le tafsir al-Tabari, rahimahullah ta'ala, ou le tafsir de al-Baghawi, rahimahullah. Ces trois tafsirs, des savants, des époques précédentes, sont de bons tafsirs. Et alhamdulillah, à notre époque, nous avons de grands savants qui ont fait le commentaire de la parole d'Allah Azza wa Jalla, comme le grand savant Cheikh Abdurrahman ibn Sa'di rahimahullah ta'ala, ou Cheikh Mohammed ibn Salah al-Athaymin rahimahullah ta'ala, ou Cheikh Salah ibn Fawzan al-Fawzan hafidahullah ta'ala. Il faut revenir à ces savants, mais non pas revenir à des livres qui commentent la parole d'Allah, qui sont basés sur l'opinion. Et attention, et prenez garde à ces tafsirs, dont un les savants de notre époque ont ordonné de détruire et de brûler ce tafsir. Ce tafsir se nomme Fidilal al-Qur'an, à l'ombre du Qur'an. Il a été composé par Sayyid Qutb. C'est un tafsir qu'il faut détruire, brûler, car il y a dans ce tafsir que du mal. Donc, il faut éviter cet tafsir et revenir au tafsir. ثم كتاب في السيرة النبوية وكتاب في التربية الإسلامية وكتاب في الفقه كعمدة الأحكام مثلا. Et donc aussi qu'il a dans sa bibliothèque un livre concernant la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou un livre dans l'éducation islamique, ou même un livre dans le fiqh, c'est-à-dire la science. Le fiqh est la science qui est relative au point d'adoration et de relation humaine, comme at-tahara, la purification, comme as-salat, la prière, comme as-sawm, le jeûne, comme as-zakat, l'aumône, les gammes, ou comme al-buyu', la vente, comme aussi également al-nikah, le mariage, et autres. Wal-haqiqatu anna kull muslim yahtaju ila maktabatin manzaliyya un yaqra'u aw la yaqra'u fa in kana qari'an falhamdulillah wa in kana أو إن كان غير قارئ فالقراء كثير وإن زاراه قارئ طلب منه أن يقرأ عليه في كتاب والأحسن أن ينشئ في بيته أو من أسرته قارئا أو قارئة فيستفيدون ويفيدون. Et donc la réalité, il faut que tout musulman, possède chez lui une bibliothèque. Une bibliothèque où se trouvera des livres de religion. Que cette personne sait lire ou elle ne sait pas lire. Si cette personne sait lire, alhamdulillah. Mais si elle ne sait pas lire, elle est analphabète. Cette personne, si vient lui visiter une personne qui sait lire, qu'elle lui demande de lire un livre. Mais le préférable, le meilleur, est que cette personne établisse chez lui un lecteur ou une lectrice qui lira pour lui. Ils en tireront profit et ils feront profiter. والمحروم من يعرض عن تفقه الله وذلك علامة الضلال والخيبة. Et donc celui qui est privé, ou celui qui est à plaindre, c'est celui qui a renoncé, qui s'est détourné de comprendre la religion d'Allah Azza wa Jalla. Et ceci est un signe d'égarement et de perte et d'échec. Fal maf'oum min al-hadith alladhi dhakarna indama qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. أي أن الذي لا يريد الله به خيرا لا يفقه في دين الله شيئا وذلك أو السبب هو إعراضه. Et donc, le hadith que nous avons mentionné, lorsque le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, celui qu'Allah à qui veut du bien, il lui fait comprendre la religion. On comprend donc de ce hadith que celui à qui Allah ne veut pas du bien, il ne lui fait pas comprendre la religion. Il ne lui fait rien comprendre. Pourquoi ? La raison. La cause, c'est que cette personne elle-même, elle s'est détournée. C'est elle qui a renoncé à comprendre la religion d'Allah Azza wa Jal. Fa kullu min al-khayri wa min al-shar sababuhu al-mukallaf wa huwa tab'an muqaddar min Allah tabarak wa ta'ala kama hiya 'aqidatu ahli sunnati wal jama'a. ولكن يأتي من المكلف الذي أعطاه الله وزوده بوسائل يستطيع بواسطتها فعل الخير وترك الشر، أي فعل الطاعة، فعل الطاعة وترك المعاصي والأدلة قائمة على ذلك. Et donc, tout ce qui concerne le bien et tout ce qui concerne le mal, la raison, la cause est due à celui qui est chargé de responsabilité. Bien que cela a été destiné par Allah subhanahu wa ta'ala, comme cela est la croyance de Ahl Sunnati wal Jama'a. C'est-à-dire, le sens, celui qui est chargé de responsabilité, dont Allah lui a donné, il lui a accordé, il lui a fourni des moyens, dont par ces moyens, donc par ces moyens, sont ces moyens des intermédiaires pour qu'ils puissent accomplir le bien et pour qu'ils puissent se détourner du mal, c'est-à-dire accomplir des actes d'obéissance et se détourner des actes de désobéissance. Et les preuves en cela ont été mentionnées dans la parole, dans le livre d'Allah Azza wa Jalla. يقول الله سبحانه وتعالى والذين اهتدوا زادهم هدى وأتاهم تقواهم لأنهم أتوا بأسباب الهداية. Et donc il y a un verset dont Allah subhanahu wa ta'ala dit: et ceux qui se sont mis dans la bonne voie, nous leur avons rajouté de la guidance et nous leur avons inspiré leur piété. Pourquoi ? Car ils ont fait les causes. Ils ont fait les causes de la guidance. C'est qu'ils ont cherché à être bien guidés. Ils ont fait les causes. Donc pour celui qui veut être bien guidé, il doit faire des causes. Et ces causes, c'est qu'il apprenne, qu'il revienne aux gens de science, les savants, qu'il les contacte et qu'il écoute leurs cours. Et même, on verra plus tard, que s'il a les moyens de voyager, de s'asseoir auprès d'eux pour apprendre la science, qu'il y aille. Ce sont des causes. ويقول الله عز وجل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, ceux qui ont cru et qui ont accompli des bonnes actions, alors ils auront pour demeure les jardins du Firdaus. Donc pour avoir, pour accéder au paradis, il faut faire des causes, la foi, les actes. وقال فيمن أتى بأسباب الزير قال الله عز وجل فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. Et quant à ceux qui ont fait des causes pour s'égarer, c'est eux qui ont voulu s'égarer, ils ont fait les causes. Comme par exemple, celui qui ne veut pas apprendre, celui qui ne veut pas revenir aux savants, les interroger, suivre les cours des savants, il va s'égarer. Et c'est lui qui est le propre, c'est lui qui a causé sa perte. Et c'est pour cela qu'Allah Azza wa Jal a dit, et lorsqu'ils ont dévié, Allah a dévié leur cœur. فالسباب هو المكلف الذي أعطاه الله وسائل العمل من الحواس ومن الجوارح المتحركة ولم يكله إلى ذلك. Et donc la cause, comme on vient de le voir, c'est celui qui est chargé de responsabilité, dont Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné des moyens pour mettre en œuvre, pour pratiquer. Il lui a donné les sens, c'est-à-dire l'ouïe, la vue et les autres sens. Il lui a donné des membres du corps, les jambes, les pieds, les bras, les mains, tout cela dans le but pour faire les causes. Et Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas laissé l'individu revenir simplement à ses sens, c'est-à-dire à son esprit, à sa pensée. Bel arsala Allah azza wa jal alayhi rasulan wa anzala alayhi kitaban fihi tibyan فيه تبيان لكل شيء كما قال الله عز وجل في نعت القرآن الكريم تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. Et donc Allah عز وجل a envoyé à l'être un messager, le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم, et il a fait descendre pour lui, pour l'être, un livre. Et ce livre est un exposé évident pour toute chose. Et c'est pour cela que Allah subhanahu wa ta'ala, il a décrit le noble Coran en disant, il est un exposé évident pour toute chose, ainsi qu'un guide et une miséricorde et une bonne annonce pour les musulmans. Idan alladhi ahabba kalam Allah wa ahabba al-Qur'an al-Karim talabahu wa ta'allamahu wa 'aqalahu wa 'amila bima fihi wa aidan alladhi يحب النبي صلى الله عليه وسلم طلب سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ نصيبه منها علما وعملا. Et donc celui qui aime la parole d'Allah Azza wa Jal, qui aime le noble Coran, il va le rechercher, c'est-à-dire il va l'apprendre, le comprendre, mettre en pratique ce qui se trouve dans le Coran. Et de même, celui qui aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va rechercher la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il va apprendre et mettre en pratique ce que Allah Azza wa Jal lui a destiné. Fa nantaqil ila babin akhar. يقول البخاري رحمه الله تعالى باب طرح الإمام المسألة على أصحابه ليختبر ما عنده من العلم. فهنا الإمام البخاري رحمه الله تعالى ذكر نفس الحديث. Et donc on va passer au nouveau chapitre. البخاري رحمه الله تعالى a dit chapitre de l'imam qui pose une question à l'assemblée afin d'examiner ce qu'ils ont comme science. Et ici, Al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, a cité le même hadith qu'on vient d'étudier. Et comme on a vu auparavant, Al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, il réitère dans son livre les ahadiths. Mais quand il réitère les ahadiths, c'est pour extraire du hadith, pour tirer du hadith ce quoi il va s'argumenter concernant le titre du chapitre. Quand il a, Al-Bukhari rahimahullah, dit l'imam, chapitre, l'imam qui pose la question à l'assemblée afin d'examiner ce qu'ils ont comme science. Ceci, lorsqu'on a étudié donc le hadith qu'on a vu il y a quelques instants, on a cité les gens de science. Et on a cité donc les différentes utilités qui ont été dites par les gens de science. Et parmi ces utilités qu'on avait mentionnées, il y avait ce point-là. Donc c'est pour cela que ce hadith, qui est le même, Inch'Allah, on ne va pas l'étudier. Donc, tout ce qui a été dit auparavant se retira pour ce hadith, exactement. Ensuite, Al-Bukhari, rahimahullah, est passé au sixième chapitre. Il l'a intitulé « Babu maja'a fil ilm » wa qawlu ta'ala wa qul rabbi zidni ilma. Et donc, il est passé au sixième chapitre ce qui a été mentionné concernant la science. D'après la parole du Très-Haut, dit mon Seigneur, augmente ma connaissance. Mais sachez que ici, comme l'ont déclaré les grands savants, comme le grand savant Cheikh Abdel Mohsen Al-Abdad, Hafidhallahu Ta'ala, et même Cheikh Mohamed Ibn Salah Al-Athaymi, Rahimahallahu Ta'ala, ils ont dit que ceci, ce chapitre, dans le manuscrit de Sahih al-Bukhari, ce chapitre n'existe pas. C'est-à-dire qu'il a été mentionné, mais il se peut que ce soit une personne qui, lorsqu'il étudiait ce Sahih, il l'a intégré. Et donc, dans les manuscrits, ce chapitre n'existe pas. Et donc, c'est pour cela que les gens de science, lorsqu'ils ont donc commenté, expliqué le Sahih al-Bukhari, ils ne l'ont pas donc commenté et expliqué. Ensuite, Inch'Allah, on passera au prochain chapitre qu'on verra, Inch'Allah, la semaine prochaine. C'est le titre « قال البخاري رحمه الله باب القراءة والعرض على المحدث. Donc, la semaine prochaine, Inch'Allah, ça sera le septième chapitre. Donc, on verra, donc, on lira ce que Al-Bukhari, rahimahullah, a mentionné. Et on l'expliquera, bien sûr, par le biais des savants, ce qu'ils ont dit concernant ce chapitre. Inch'Allah, ta'ala. Subhanakallah, bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.